Ok, donc on va commencer tout de suite par une petite chanson. C'est le titre du morceau. Quand je t'ai connu, petite chanson, tu n'étais pour moi qu'un frisson. Un petit refrain, une rengaine, mais comme j'aimais bien ta dégaine, toute bariolée de croche, tu as souri à mon approche. Comme j'étais fort, intimidé, tout doucement je t'ai fredonné. Et je suis monté dans tes octaves. Oh désolé, j'ai fait le zouave. Et quand je suis redescendu, j'ai vu ton regard tout ému. Et nous sommes partis en voyage avec du vent dans ton corsage. De peur qu'il ne crée du désordre, je l'ai retenu de toutes mes cordes. Un jour que j'étais un peu paumé, un jour que j'étais vraiment fauché, je t'ai vendu, c'est ridicule, à de pauvres gens sans scrupules. Ils voulaient faire de toi un hit, faire le trottoir dans des zéniths, maquiller de son digital, mais moi j'ai crié au scandale. Et j'ai repris mon petit refrain qui ne ressemblait vraiment à rien. Et loin de tous ces simulacres, j'ai soigné ses boutons de nacre. Et depuis je lui suis fidèle en chantant cette ritournelle. Si nos vies nous semblent ténues, je garde cette mélodie nue. Merci. Alors, il s'agissait d'une chanson qui s'appelait « Petite chanson ». Nous allons continuer sur une chanson qui s'appelle « Saint-Jean des Écueils ». Nous irons en exil à Saint-Jean des Écueils, nous qui sommes si fragiles comme peuvent l'être les feuilles. Si le vent qui nous pousse nous fait bien voyager, je sens que j'ai la frousse de n'être qu'un étranger, de n'être qu'un étranger. C'est un tout petit port où les gens nous ressemblent. Dans ce vilain décor, c'est de peur qu'ils tremblent. Au fond, je les comprends, car chacun sa misère, et je m'en vais glanant des jours et des poussières. Au Saint-Jean des Écueils n'est pas l'Eldorado. Je sens comme un cercueil qui me pousse dans le dos. Et si l'herbe est plus verte que dans leurs champs perdus, leurs portes ne sont ouvertes et nous en sommes exclus. À Saint-Jean des Écueils, je m'en vais un peu plus loin. Et merci pour l'accueil, à coup de pied, à coup de poing. Et j'irai jusqu'au bout, et s'il faut mourir, ici, là-bas, partout, j'ai jamais pu choisir. J'ai jamais pu choisir. Choisir. Choisir. C'était la chanson Saint-Jean des Écueils. Merci. Nous allons continuer sur une chanson qui s'appelle La nostalgie de la jungle. Et pour ceux qui applaudissent dans les studios, je veux bien un petit verre d'eau, si c'est possible, assistante de Radio Dio. Sous les pavés des bonnes intentions, y a-t-il une plage pour nos ambitions? Est-il possible, sans une rature, de me dire la bonne aventure s'installe dans ta boule de cristal, un avenir un peu bancal, tout au bout d'une ligne droite. J'ai peur qu'un ordre nouveau m'épingle dans cette position inadéquate. J'ai la nostalgie de la jungle. On effeuille les marguerites. Est-ce que l'amour en profite? Des noyautés, le temps des cerises, pour qu'hélas tout s'uniformise. Notre biotope n'est plus tip-top, il est peut-être temps de dire stop. Tout au bout d'une ligne droite, j'ai peur qu'un ordre nouveau m'épingle dans cette position inadéquate. J'ai la nostalgie de la jungle. Ta la la pa ta la ta la pam pa pam. Ta la ta la ta la pa la ta la la ta la la ta la ta ta ta. Jadis tigane, de liane en liane, je traçais ma route en filigrane. Aujourd'hui pour un GPS, ma dérive se retrouve en laisse. Ce brave toutou ne comprend pas tout aux règles du grand Manitou. Tout au bout d'une ligne droite, j'ai peur qu'un ordre nouveau m'épingle dans cette position inadéquate. J'ai la nostalgie. Tout au bout d'une ligne droite, j'ai peur qu'un ordre nouveau m'épingle dans cette position inadéquate. J'ai la nostalgie de la jungle. La chanson, la nostalgie de la jungle. Merci. Nous allons aller du côté de la Chine, et plus précisément Shanghai. On retrouve la famille Li Wang. Dans la famille Li Wang, tout n'est qu'affaire de gang. Méfiez-vous de la toute vieille qui semble dormir au soleil. D'un œil mi-clos, elle scrute tous les passants qui l'insultent. Ils disparaissent, c'est bizarre, dès que tombe le soir. Quelle est donc cette marmaille qui se tait jamais nos brailles? Quelle est donc cette marmaille à Shanghai? Dans la famille Li Wang, tu n'es qu'à faire de gang. Observez donc les trois fils et leur drôle de maléfice. L'aîné dans un tailleur noir rase les murs des trottoirs. Il tient plusieurs tripots, joue aux cartes et au couteau. Quelle est donc cette marmaille qui se tait jamais nos brailles? Quelle est donc cette marmaille à Shanghai? Li Wang, tu n'es qu'à faire de gang. Le calice fume ride d'opium, une douzaine au maximum. Et dormez bien, oh mes amis, mais ce repos à son prix. Ses clients sont pas farouches dès qu'ils fument sur leur couche. Quelle est donc cette marmaille qui se tait jamais nos brailles? Quelle est donc cette marmaille à Shanghai? Le dernier de cette triade s'occupe du stock de viande froide. Il pompe tous les macabées entre les canards laqués. Ou bien c'est la mer de Chine que leur corps les destine. Plus aucune trace suspecte quand le boulot est correct. Quelle est donc cette marmaille qui se tait jamais nos brailles? Quelle est donc cette marmaille à Shanghai? Quelle est donc cette marmaille qui se tait jamais nos brailles? Quelle est donc cette marmaille à Shanghai? Après cette chanson, qui est une sorte de mix entre Bruce Lee et la série télé Dexter, nous allons revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux, hélas, avec un conte africain. Petite Cendrillon du pays Haoussa, ingénue d'Abuja, du pays des grillons. Tu vas traîner ta bosse dans ce pays docile où tu rêves fragile de prince et de carrosse. T'as traversé les mers pour venir t'échouer dans ce pays amer, au Roland de nausée. Ne sois pas si candide, au pays de Voltaire, c'est un pays sordide, où t'apprends à te taire. À peine débarqué, dans ce pays joli, tu te retrouves enfermé, dans un fourgon pourri. Main d'œuvre silencieuse, dans ce pays prospère, fais des passes à guicheuse, au pays des pervers. Petite Cendrillon, du pays Haoussa, ingénue d'Abuja, du pays des grillons. Tu vas traîner ta bosse, dans ce pays docile, où tu rêves fragile, de prince et de carrosse. Ta dignité détruite, qu'un vent mauvais te souffle, mais faut pas que ça s'ébruite, au pays des pantoufles. Ça n'est pas une chaussure, que tu paieras tes pieds, ta vie n'est qu'une gageure, au pays des papiers. Et quand sonne minuit, si te revient la trouille, il faut que tu t'enfuis du pays des citrouilles. Il faut te rendre compte qu'au pays de la frime, la vie n'est pas un conte de Charles Perrault ni Grimm. Petite Cendrillon, du pays Haoussa, ingénue d'Abuja, du pays des grillons. Tu vas traîner ta bosse dans ce pays docile, où tu rêves fragile de prince et de carrosse. Toutes les préfectures sont de grands mausolées pour tes coups et blessures dans ce pays muselé. Et ce n'est pas facile de vivre en secret sans avoir le bon profil au pays des décrets. Mais un jour je t'assure que sur ce territoire il n'y aura plus de procédure au pays de l'espoir. Il n'y aura plus d'État ni de frontières fermées. Ce pays s'appellera celui de la liberté. Petite Cendrillon, du pays Haoussa, ingénue d'Abuja, du pays des grillons. Tu vas traîner ta bosse dans ce pays docile, où tu rêves fragile de prince et de carrosse. Du calme, s'il vous plaît. C'était Conte africain et nous allons continuer sur une chanson qui s'appelle Océan Cowboy. C'est pas dans l'océan Indien que j'irai me noyer, mais dans l'océan Cowboy. Grand habitacle sécurisé, loin de la jungle destroy. L'océan cowboy, l'océan cowboy, bleu comme les tuniques, bleu c'est la panique au fond de tes yeux. J'entends déjà leurs sirènes qui m'envoûtent dans la houle de leurs oripeaux. Branchez tous vos peurs sur écoute, ils finiront par avoir nos peaux. Par avoir nos peaux, par avoir nos peaux. Dans ce panoptique aquatique où se reflète l'animal, j'fous mon crâne sous barbiturique, mais j'ai mal. Chevauche sur la vague, Géronimo, hors de ta prison de fossiles. Mes dernières flèches ne sont que des mots, mais déjà leur regard vacille. Leur regard vacille, leur regard vacille. Bleu comme les tuniques, bleu c'est la panique au fond de tes yeux. Nous étions tous des pirates de fortune sur nos chimériques frégates. Dans le ciel dansait pour nous la lune, j'en garde encore les stigmates. Encore des stigmates. Encore des stigmates. C'est pas dans l'océan Indien que j'irai me noyer, mais dans l'océan Cowboy. C'est pas dans l'océan Indien que j'irai me noyer, mais dans l'océan Cowboy. C'est pas dans l'océan Indien que j'irai me noyer, mais dans l'océan Cowboy. C'est pas dans l'océan Indien que j'irai me noyer, mais dans l'océan Cowboy. Monsieur Bidon sur le 89.5. Okay, une autre chanson qui s'appelle Jimmy le cascadeur. L'amour donne bien des ardeurs, mais l'amour pour moi cascadeur n'est pas toujours de tout repos. Ma chère, on s'envoie en double salto en l'air et ça fait boum, boum, boum dans le living room. Et ça fait tic, tic, tic et paf quand je dégrafe la fermeture de ton soutif. Et puis fais tous les deux dans le paddock. Et toc et brutalement tu me plaques. Et craque, je t'aime, darling. Et bing. Et quand ensemble l'on sort, on monte dans mon coupé sport. Le temps d'une course poursuite. Fais confiance, je vais toujours un peu trop vite. Ah, contresens et ça fait boum, boum, boum dans le living room. Et ça fait tic, tic, tic et paf quand je dégrafe la fermeture de ton soutif. Et puis fais tous les deux dans le paddock. Et toc et brutalement tu me plaques. Et craque, je t'aime, ma darling. Et bing. L'amour donne le vertige, mais pour un as la voltige, ça reste assez banal. Ma foi d'être à l'horizontale sur toi. Et ça fait boum, boum, boum dans le living room. Et ça fait tic, tic, tic et paf quand je dégrafe la fermeture de ton soutif. Et puis fais tous les deux dans le paddock. Et toc et brutalement tu me plaques. Et craque, je t'aime, ma darling. Et bing. Et nous allons continuer sur une chanson qui s'appelle Chagrinville. Les chagrins. Raccroche ton wagon au bout de leur train-train. Et si fatalement tu croises dans leur brouillard trop coutre de vin blanc pour bien trop d'idées noires. Et si fatalement tu croises dans leur absence le murmure des gisants dans des yeux de faïence. Cette ville portait un nom, elle s'appelait Chagrin. Moi je vois dans son blason la couleur des frangins. S'ils furent pétrifiés par un air un peu lourd, c'est qu'ils y ont laissé des plumes dans leur amour. S'ils furent lestés par un temps élastique, sommes-nous tous condamnés à la même réplique. Cette ville portait un nom, elle s'appelait Chagrin. Sous ses mines de plomb, j'entrevois son dessein. De n'être vraiment plus qu'un parking à fantômes, y a-t-il sous le gris nu des cœurs polychromes? De n'avoir pas compris qu'un cœur désaffecté, ça s'invente la nuit, une autre œuvre lactée. Cette ville portait un nom, elle s'appelait Chagrin. Raccroche ton wagon au bout de leur train-train. Et si fatalement tu croises dans leur brouillard beaucoup trop de vin blanc pour bien trop d'idées noires. Et si fatalement tu croises dans leur absence le murmure des gisants dans des yeux de faïence, dans des yeux de faïence, dans des yeux de faïence, dans des yeux de faïence, de faïence. Merci. C'était la chanson Chagrinville. Nous allons continuer avec une chanson que l'on a entendue tout à l'heure, qui s'appelle Satellite. Voilà, on a parlé des projets satellites. En voilà un. Enfin non, c'est pas un projet satellite, c'est le projet Monsieur Bidon. J'ai rêvé, ma petite, que j'étais un satellite au-dessus des Nimbus, au-dessus de la Chine. Je regarde les Russes, les statues de Lénine. J'ai vu des Espagnols avec des banderilles plantées dans leur grand col, avec du sang qui brille. Et sous les vasistas, y a des couples qui s'aiment, des couples qui s'embrassent. Tout de même, comme je lis sur les bouches, en passant dessus toi, je t'ai vu pas farouche dire mon nom plus d'une fois. J'ai rêvé, ma petite, que j'étais un satellite. J'ai vu des courses-poursuites chez les dealers de vie, des gens crus dans leur cuite, s'arrosant d'eau de pluie, des levées de soleil dans des jardins zen, des geishas qui s'éveillent comme des vols de pollen, des valses de papillons sous de gris lampadaires cherchant la séduction, des éphémères comme je lis sur les lèvres en passant dessus toi, Je t'ai vu avec fièvre dire mon nom plus d'une fois. Hop. Je t'ai vu, ma petite, quand j'étais satellite. Tous les déboussolés, parfois la vie bouscule. Cherche à coloriser le noir des crépuscules. Des enfants qui apprennent en cours de récréation à conjuguer la haine dans des jeux de fiction. D'éternels chercheurs d'or qui auprès de leurs sœurs trouvent parfois des trésors bien meilleurs, comme je lis sur les cœurs en passant dessus toi. J'ai pu voir quel bonheur que tu pensais à moi. Merci. On va finir sur une dernière chanson qui en fait n'est pas de moi au départ au niveau instrumental. Une reprise. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'étais tranquille bien que dans les brumes, avec mon petit panier de légumes. Le type a surgi square violette sur une bien belle bicyclette. Puis il s'est approché de moi et il m'a dit comme ça: t'as du fenouil ma couille, ça sent l'embrouille. Si c'est du biodynamique, avec je serai en bonne forme physique. Viens faire un tour à sa Torise, histoire que je te dévalise. Je te ferai ton panier à la baston. Moi je lui ai dit pas question. Il m'a refilé une beigne, moi le panier de la map. Il y avait peut-être des châtaignes, mais il m'a lâché la grappe. J'étais tranquille et pas joignable dans un commerce équitable. Type est entré dans le bar, a commandé un Max Avelard. Puis il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit d'un air drôle: ton artisan du monde, belle blonde, les pas immondes. Si c'est du made in India, ça ouvrira tous mes chakras. Viens faire un tour à la Biocop et on verra si je te le chope. Or je me ferai des infusions. Moi je lui ai dit pas question. Il m'a refilé une beigne, je lui ai refilé mon rooibos. M'a refilé une châtaigne, que devenu une bosse. J'étais tranquille et bien en vrac, je retapais ma baraque. Le type apparition soudaine dans un beau combi Volkswagen. Puis il s'est approché de moi et il m'a dit comme ça: ta laine de mouton mec ton, c'est pas du bidon. Moi je me les gèle dans ma ferme bio, avec ça j'aurais plus chaud. Viens faire un tour au salon Primevert, je te montrerai ce que je sais faire. Je te chouraverai tes moutons. Moi je lui ai dit bah non. Il m'a refilé une beigne, je lui ai refilé un marron. Et une châtaigne, je refile mes moutons. La morale de ce petit morceau, c'est quand tu veux bien bouffer bio, y'a toujours un petit rigolo pour te filer du Monsanto. Quand à la fin d'une chanson, tu ne bouffes plus que du pesticide, c'est avoir de l'imagination pour pouvoir rester lucide. Rester lucide, pas question.